Merci. Je teste un autre ordinateur. Double in I. Je suis pas. Ah là, je sature. Je crois que je sature un petit peu avec mon micro casque. Je teste un ordinateur avec la carte son interne. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.